Je poursuis donc avec une introduction qui nous est mise en place par un auditeur qui nous pose une question. Il s'appelle Executoro, qui nous demande des précisions par rapport au sujet qu'on va aborder et il nous demande si on connaît un petit livre qui s'appelle Le Troisième Reich sous la bannière du Christ. Et apparemment, il a des problèmes pour retrouver ce document. Donc nous, on a le PDF, on voit très bien de quoi tu parles, cher ami, et on mettra dans la description de l'émission sur Odyssée et sur Gab, parce que c'est un document qui est extrêmement intéressant. Et dans la même veine, voilà, du coup, on va y répondre directement dans l'émission. Je prends un deuxième courrier de lecteur, un monsieur qui s'appelle Philadelphia Agent, qui se reconnaîtra, qui nous parle en gros de l'émission précédente et qui nous dit, voilà, bon, c'est vrai que je résume parce que le commentaire est un peu long, mais je vous dis la substance. Bon, c'est vrai que les protestants, ils abusent un peu parce qu'ils disent que depuis 2000 ans, tout le monde s'est trompé et qu'ils ont raison de tout recommencer. Et il dit, mais je cite Mein Kampf, alors Philadelphia, ça ne dérange pas qu'on cite Mein Kampf, hein, il n'y a pas de problème, mais mettre la Bible et puis Mein Kampf sur le même plan, ça par contre, c'est bon, c'est un peu dérangeant, mais bon. Mein Kampf, qui, selon lui, je cite, ce qui est important pour l'avenir de la Terre, ce n'est pas de savoir si les protestants l'emporteront sur les catholiques ou les catholiques sur les protestants, mais si l'homme de race aryenne survivra ou mourra. Et donc ensuite, notre ami continue un peu, mais je vais arrêter là son commentaire parce que ça fera un peu long. Et la réponse qui a été donnée d'ailleurs sur Gab, qui est publique, hein, c'est bah, déjà pourquoi choisir, hein? On peut très bien défendre la race et puis aussi défendre la religion. Il n'y a pas forcément besoin de choisir l'un ou l'autre. Et il y a quand même aussi, il faut aussi le rappeler, une priorité quand même à établir, c'est que entre sauver la race pour tous les peuples d'ailleurs, et puis sauver son âme, le côté spirituel bien sûr est une priorité, hein, plus importante par rapport à toutes les autres considérations en fait. Même si la race c'est important, le peuple c'est important. Sauver son âme est quand même plus important parce que les conséquences, elles sont éternelles. Voilà. Le paradis ou l'enfer. Donc voilà la réponse qui a été donnée, mais j'imagine que vous avez peut-être, par rapport à cette citation de Mein Kampf, et ça fera une bonne intro, des choses à rajouter dessus, messieurs, peut-être? Mais écoute, tout à fait, il n'y a vraiment pas d'incompatibilité entre le racisme et le catholicisme, en fait. D'ailleurs, c'est Pie XI qui a renseigné dans son encyclique Mine Banninger sur Gueux. Donc, à chaque fois que nos opposants hein, de droite, antifa, etc., nous opposent, en nous disant oui, mais l'Église a condamné le national-socialisme. Mais en fait, que dit Pie XI? Donc, il condamne effectivement certaines dérives païennes ou néo-païennes du national-socialisme, qui sont tout à fait légitimes, que nous, on condamne aussi. Mais Pie XI enseigne que la race tient dans la nature une place nécessaire et honorable. Donc il ne faut pas nier la race, il ne faut pas être antiraciste, et effectivement, le principal c'est de sauver son âme, mais il faut aussi sauver sa race, préserver la race que le bon Dieu nous a donnée, en se mariant bah, avec quelqu'un de la même race que nous, en ayant des nombreux enfants, etc., sachant que le but final, c'est de les éduquer de manière chrétienne pour qu'ils aillent au ciel. Donc les deux ne sont pas incompatibles, quoi. D'ailleurs, en fait, tout l'objet de cette deuxième partie d'émission, c'est, bon, je pense que vous en doutez, nous ne sommes pas de gauche, voilà. Donc on fait une sorte de coming out facho, donc voilà, on va assumer notre fascisme comme ça, de manière publique, et on voulait exprimer le fait qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être catholique et d'être clairement d'extrême droite. Moi, ça me fait rire, en fait, cette histoire d'extrême droite, parce que c'est pas que le terme me dérange, on pouvait dire même ultra-droite, tant pis, hein, je dormirai quand même très bien la nuit. C'est juste qu'en fait, les valeurs qu'on défend, je veux dire, si on en avait parlé comme ça par rapport à l'époque de mes grands-parents, ça aurait choqué personne. C'est-à-dire que maintenant, la société est devenue tellement gauchiste que le simple fait de dire un homme est un homme, une femme est une femme, la race, la patrie, le peuple sont des valeurs à défendre, apparemment, tout ça, c'est devenu des gros mots, donc bon, c'est étrange. J'ai plein de choses à dire là-dessus, mais vous aussi, on se complétera très bien, je n'en doute pas. Après, oui, donc c'est le thème des catholiques romains et du fascisme, du néo-fascisme aujourd'hui. Pour définir le fascisme, j'aurais dit en quelques mots, parce que c'est quand même deux courants différents, c'est pour ça qu'on dit les catholiques d'un côté, le fascisme de l'autre, même si il va y avoir nombre de points de rapprochement pour des raisons historiques, doctrinales, et des choses comme ça. Donc on a déjà donné quelques détails. Mais voilà, une définition rapide, ça serait donc un socialisme aristocratique. On donne l'accès d'une culture noble pour un peuple enraciné, Je pense que c'est un peu la politique des classes moyennes. D'ailleurs, on montre aux classes populaires et moyennes qu'il n'est pas difficile de, qu'il n'est pas facile de diriger. Et tout en leur donnant cette possibilité, en quelque sorte, c'est voilà, l'aristocratie, c'est rechercher les meilleurs. Et le fascisme est une sorte de contre-révolution. Donc, ça s'oppose au principe de 1789. Et pour les fascismes italiens et allemands, d'ailleurs, c'est quelque chose d'étranger, en plus d'être pervers. Et elle étend son principe de contre-révolution, contrairement au royalisme. Qu'il étend qu'à des castes, à des cloisons, à toutes les strates de la société, disons. Et par la notion de meilleur, évidemment, bah, l'antifascisme post-45 est généralisé, puisque le boomer éternel craint d'être confondu dans sa médiocrité. C'est pour ça que, voilà, si on avait un véritable régime, tous ces profs gauchistes ne pourraient même plus devenir profs gauchistes, tellement ils sont nuls. Et donc, c'est leur assurance vie, en quelque sorte. De défendre la médiocrité démocratique et cosmopolite. C'est comme ça qu'ils s'en sortent, c'est en étant des nuls, quoi. On a le contraire de l'aristocratie en ce moment, quoi. Le fascisme, bien compris, je pense, c'est l'excellence grecque corrigée par le Christ et son Église. Et c'est ce que la monarchie, là, c'est un bon propos de Joseph Merel, d'ailleurs, est tout à fait audible et sans galimatia. La monarchie française, notamment, aurait eu besoin de ce principe avant de s'effondrer sur elle-même. Si la monarchie, c'est la tradition, le fascisme, c'est une sorte de révolution, mais à un moment, on en a besoin pour restaurer son propre principe. Parce qu'il y a toujours des moments de faiblesse et de descente où il faut, à un moment donné, mettre un coup de balai pour repartir sur de bonnes bases sans mettre en cause de vrais principes comme les principes d'ordre naturel qui là sont pas à remettre en question. Voilà, je pensais dire ça en introduction pour commencer. Ouais, on pourrait dire qu'en fait le fascisme c'est une actualisation de la monarchie, du monarchisme, etc. D'ailleurs, bah, vu qu'on parle politique, on peut un peu évoquer Saint Thomas d'Aquin. Donc il a écrit un bouquin qui s'appelle De Regno, et dans ce bouquin il dit, en gros, hein, que le meilleur régime, donc il dit le meilleur régime politique, il dit pas le, il y a pas de régime parfait, mais le meilleur régime politique, c'est un mélange de monarchie. Donc je fais bien la différence monarchie et monoarchie, en gros le pouvoir d'un seul. Donc mélangé avec une aristocratie et avec une politie. Donc la politie, en fait, c'est la démocratie vertueuse. Et cette définition, en fait, ça correspond le mieux au fascisme. C'est-à-dire qu'il y a un Führer, un Duce, un chef suprême qui va prendre les décisions importantes, qui est entouré d'un conseil. Donc on avait un peu parlé du conseil fasciste, etc. Donc en gros, ce sont les meilleurs dans leur domaine, les meilleurs hommes des corporations, etc., qui sont voilà, spécialisés dans leur domaine, qui vont conseiller le Duce, le Führer, le chef. Sur tel ou tel sujet, c'est le chef qui va trancher, bien sûr, et la politie. Donc, en fait, on aime le peuple, on s'intéresse au peuple, et tous les gens du peuple, par leur travail, par leur mérite, peuvent se hisser jusqu'à l'aristocratie, tout simplement en fait en devenant les meilleurs, et donc avoir des responsabilités dans l'État, etc., etc. Donc, voilà, c'est vraiment une actualisation de la monarchie qui était un peu vieillissante, un peu, voilà, un peu poussiérée. Oui, voilà, les meilleurs combattent les médiocres, et on s'inspire du meilleur de toutes les périodes aussi, d'ailleurs, là-dedans. C'est-à-dire le meilleur de l'Antiquité. L'Antiquité, les Indo-Européens prennent une bonne place dans les fascismes européens. Voilà, le meilleur du médiéval, le meilleur même de l'époque contemporaine, tout le bien qu'on peut en tirer, on va le prendre là-dedans. Et puis le mot de fascisme, des fois, les gens ne se rendent même pas compte de son origine. C'est, enfin, à titre de mot, ça vient de faisceau, en fait. C'est le faisceau d'énergie, même dans le fascisme espagnol, avec le phalangisme, une phalange, le doigt d'une main, en fait, unie comme tous les doigts de la main. C'est ce que ça signifie, un peu. C'est l'unité, quelque part, le vitalisme, la force. Et au sens étroit, donc au début, on pense à un courant, à un régime typiquement italien, mais qui finit par s'exporter, par influencer, par être repris. D'ailleurs, au début, Mussolini ne le voulait pas, mais finalement, ça a été accepté. Et même le francisme en France, dirigé par Marcel Bucard et dont est héritier Persidos, par exemple, était reconnu officiellement et même un peu financé par l'Italie fasciste, et reconnu comme l'expression française d'un fascisme. Ils sont un peu particuliers d'ailleurs parce qu'ils acceptaient l'héritage de la Commune ou de la Révolution à titre de révolution populaire et tout. C'était assez particulier parce que Sidos ne continuait pas pour le coup. Mais voyez, au sens étroit, donc typiquement italien, mais en fait au sens large, ça peut être un principe politique de restauration tout à fait universel et national quand même. Ça s'incarne à l'échelle d'un État, d'un pays. Donc, qu'est-ce que vous appelez le fascisme? Mais écoutez, au sens étroit, le fascisme, c'est une doctrine politique proprement italienne, tout le monde le sait. Au sens large, et sans, disons, dans une perspective qui ne consiste pas à le diaboliser, je dirais que le fascisme, c'est une tentative européenne personnalisée par les nations, par le génie des nations qui ont essayé de le promouvoir. C'est une tentative européenne de refonder en quelque sorte l'ordre d'ancien régime, c'est-à-dire l'ordre européen avant la grande cassure de 89, l'ordre d'ancien régime, mais en évitant de reproduire les travers qui ont précisément précipité sa chute. Il s'agissait donc en quelque sorte de refonder une société proprement organiciste et de refonder une aristocratie. Et pour ce qui est des pistes froides, n'est-ce pas, qui disent « Ah, le fascisme italien, oui, mais celui allemand, non, parce que quand même Hitler, c'est pas bien, c'est pas gentil », bah, sachez que le national-socialisme allemand est l'expression du fascisme allemand, de toute façon, que ça nous plaise ou non. Et si vraiment ça vous fait si peur que ça, bah, rétablissez le contexte. Vous verrez que l'entre-deux-guerres allemand, la révolution conservatrice, toute l'opposition à la République de Weimar a eu multiples courants, très intéressants d'ailleurs. Et le national-socialisme, qui est peut-être pas le meilleur de tous ces mouvements d'ailleurs, est celui qui a pris le pouvoir et qui sort de ce contexte-là, est imprégné de tout cela. Avec quelques inspirations, bon, quelques sympathies dirigées à l'égard du régime italien et qu'il a pu influencer d'ailleurs, puisque le principe d'empire, c'est l'Allemagne qui l'avait et pas l'Italie à ce moment-là de l'histoire, disons. Mais c'est une tentative humaine et militante de restauration nationale de la civilisation européenne, voilà, au sein d'une nation déterminée. On respecte l'ordre naturel, il est à l'honneur, le surpassement de soi, d'où le côté un peu même musculaire, sportif, enfin voilà, on cherche à créer un homme nouveau qui n'est pas du tout l'homme nouveau du marxisme, c'est un homme complet, quoi. Il a tout pour lui, il veut l'intelligence, la force, l'énergie, on fait en sorte d'être le meilleur à l'échelle individuelle et ensuite tous ensemble à l'échelle nationale. Un corporatisme vraiment intégral, organique et radical en ce sens. On pourrait l'appeler corporatisme, quoi, comme disait Benito Mussolini d'ailleurs. Ouais, je te rejoins totalement sur la valeur universelle du fascisme, en fait. Le fascisme véhicule, prône et met en application des vertus et des valeurs qui sont universelles, propres à tous les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des fascistes africains, des fascistes hindous, etc., etc. C'est juste que chacun va adapter par rapport à la culture locale, aux priorités locales, aux urgences politiques locales, son type de fascisme, mais le fascisme va toujours respecter les valeurs naturelles qui lui sont propres, quoi. Je pense aussi que le fascisme est un empirisme, c'est-à-dire que il va pas dogmatiser des concepts, etc. Si le concept n'est pas bon, eh bien on le fait évoluer jusqu'à qu'il soit bon. Donc en fait, le fasciste recherche toujours la meilleure chose possible. Donc il y a cette notion de discipline et d'autodiscipline qui est très forte dans les régimes fascistes ou nationaux-socialistes. C'est-à-dire qu'on va toujours rechercher la meilleure chose possible, donc une meilleure version de soi-même, une meilleure version du gouvernement, de telle association sportive, de telle association culturelle. Il faut toujours tendre vers le meilleur. Alors, on sait que la perfection n'est pas de ce monde, etc., mais c'est faire tout son possible pour tendre vers la perfection. Et bon, je vais citer Maurras, hein, qui était plutôt antifasciste, en tout cas qui n'adhérait pas au programme du Führer ou du Duce. Oui, c'est plus anti-germanique, mais sinon il y avait quand même des petites sympathies pour le fascisme, même s'il n'est pas allé jusque-là, contrairement à certains de ses disciples. Ouais, c'était plus anti-germanique d'ailleurs, effectivement. Mais Maurras, il disait du coup que la monarchie, c'était l'anarchie plus 1. Bah, voilà, moi, j'aime bien la formule suivante. C'est le fascisme, c'est la monarchie plus 1. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est une actualisation de la monarchie, quoi. Et dans ce corporatisme, d'ailleurs, je me souviens d'une critique de Jean Royco. Celle-ci, je ne l'avais pas vue venir. Et depuis, je me suis dit, tiens, c'est étonnant comme critique, parce que les corporations s'étaient faites naturellement par le peuple. Et c'est le royaume de France qui a légiféré au fur et à mesure avec Boileau, sous Saint-Louis. On a codifié les corporations de quelque chose qui existait déjà. Et alors lui, il me reprochait l'étatisme du fascisme ou du fascisme, qu'on dit avec la prononciation française, même si c'est plutôt celle italienne qui a gagné. Il me disait, c'est l'inverse, c'est l'État qui remet à disposition des corporations disparues. Mais oui, mais justement, elles sont disparues et le peuple de lui-même n'arrive pas à les refaire, à les reconquérir. Donc si le peuple de lui-même ne le fait pas, il faut bien qu'il y ait un coup de force, un coup de boost, surtout si en plus, là, l'État propose quelque chose de bon. On ne va pas se plaindre. Et même l'abbé Julio Menviel, voilà, qui était un thomiste argentin, a été un grand soutien doctrinal du fascisme, si l'on veut, et il n'est pas le seul. En Italie, il y avait Monseigneur Benigni, par exemple. Enfin, c'est un soutien critique, peut-être. Voilà, chez les clercs, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été un soutien, puis un soutien critique, ou alors un peu plus contre. Mais voilà, il y avait toujours la part de choses qui étaient faites, y compris cette lettre de Pie XI. Vous avez donc non habeamo bisogno, ça c'est l'encyclique. Nous n'avons pas besoin d'eux. Mais si vous lisez cette lettre encyclique adressée à l'Italie, elle est tout de même respectueuse. Et au contraire, le pape Pie XI dit qu'il y a une activité corporative, une action catholique, et que ces deux actions entre le fascisme et l'action catholique ne pouvaient pas manquer de se rencontrer textuellement. C'est le pape qui parle. Et il vous dit, bah, tout simplement, parce que voilà, le sujet humain, individuel, collectif, il y a énormément de bonne volonté, de désir du bien, de points de rapprochement. Et ça partait quand même de conflits avec les familles catholiques italiennes, donc qui voyaient dans l'étatisme vis-à-vis de l'école une trop grande présence de l'État, là où ils avaient peut-être sans doute raison. Mais voilà, il a rétabli le catéchisme, le crucifix à l'école, la foi revenait dans toute l'Italie, était pratiquée de façon croyante, fervente. Au Parlement, dans les années 20, Mussolini osait dire que la science ne pouvait pas répondre à tout et que la foi comblait ce vide, ce manque qu'il y avait. Donc je veux dire, que ce soit Mussolini ou Hitler, ils ont eu des discours bien plus spirituels et spiritualistes, et même chrétiens et catholiques, que, par exemple, Pétain. Pétain n'a pas fait trop l'éloge de Dieu dans ses discours. On dirait que ça existait à moitié, même s'il avait retrouvé la foi dans ses vieilles années. Hein. Comme Mussolini, c'était un peu à l'adolescence, il avait perdu, il était revenu. Mais voilà, donc toujours est-il, sur ses actions fascistes et catholiques, elles ne pouvaient pas manquer de se rencontrer. Et même dans Non habeamo bisogno, donc le pape dit bien qu'il faudrait pas abandonner cette action fasciste, autrement elle dériverait encore plus dans les choses païennes. Donc malgré le conflit, lui, il veut continuer en quelque sorte ce rapprochement, cette collaboration, et voire d'essayer d'amender un peu plus le régime dans ce sens-là. Mais écoute, vu que les faits se passent en Italie, Pie XI avait même qualifié Mussolini de manière élogieuse d'homme de la Providence, quoi. Parce que d'ailleurs, les communistes, par la suite, lui avaient reproché, bon, bah, pas à Pie XI, vu qu'il avait trépassé, mais à Pie XII, voilà, que le pape avait pris parti pour Mussolini, comme quoi c'était l'homme de la Providence, etc., etc. Et vu que tu évoques Musso, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a retrouvé une lettre de Mussolini qu'il a envoyée au padre Pio. Lui disant, voilà, cher père Pio, c'est grâce à vous que j'ai retrouvé la foi, quoi. Donc, comme tu dis, il avait sans doute perdu la foi dans sa jeunesse, mais grâce à Dieu, il a pu la retrouver. Petite anecdote aussi, donc sa femme, elle part en pèlerinage au padre Pio, et elle prie pour son mari, forcément. Et le padre Pio, donc, qui avait, voilà, cette capacité de lire dans les âmes, lui dit, tu devrais plutôt prier pour toi, ton mari est déjà au ciel, quoi. Bon, alors, après, voilà, c'est une anecdote, hein, c'est pas parole d'évangile, etc., etc., mais c'est toujours intéressant de traiter du sujet. Tu avais aussi évoqué l'abbé Mainveil. L'abbé Mainveil, il a une bonne définition du fascisme, à mon sens, hein, je pense. Il appelle ça le totalitarisme du bien commun. Et en fait, qu'est-ce que le totalitarisme? C'est le fait que les parties, les particuliers, soient soumises au tout, donc au bien commun, en fait. C'est-à-dire que bah, dans votre corps, si le bien commun c'est le corps, et bah, c'est votre tête, votre cerveau qui va diriger votre main, votre pied, etc. Et c'est ça qui fait que c'est bien coordonné, que tout fonctionne bien. C'est ce qui fait qu'on est un être humain, etc. Et bien bah, le fascisme, en fait, c'est exactement ça. Toutes les parties inférieures doivent être ordonnées au bien commun, à l'État, etc., etc. C'est-à-dire que rien de ce qui est en dehors de l'État ne doit pouvoir nuire à l'État. C'est pour ça que, comme on dit, la fameuse formule, dans le fascisme, tout est dans l'État. Donc après, il y a bien sûr une hypertrophie de ce principe. Il faut surtout pas idolâtrer l'État ou le chef, etc. Ce qu'a d'ailleurs condamné Pie XI dans Mittbrennungersurge. On peut pas prendre, voilà, on n'a pas d'idole, etc., etc. Et c'est une condamnation tout à fait juste. Il y a vraiment aucun souci sur ce sujet. Alors, après, ça peut s'expliquer ce centralisme et cet étatisme par rapport au contexte historique et social italien. pour, je dirais pas l'excuser, mais le comprendre, puisque en fait, il y a eu une unité tardive de cette nation, là où la France et l'Angleterre étaient déjà unies et avaient déjà un empire colonial, là où l'Italie n'avait rien. Et hormis la période garibaldienne, donc plus bourgeoise maçonnique, et Mussolini, en fait, l'Italie, c'était un petit peu le pape et les provinces, et voilà quoi. Donc l'État-nation, c'était pas trop dans la culture, pas trop présent. Donc finalement, il y a une hypertrophie aussi par rapport à ce contexte-là où fallait unifier quelque chose pour rendre la nation plus forte et passer à la suite, aller plus loin, conquérir d'autres terres et tout ça. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est pour le pas le justifier, mais l'expliquer et le comprendre, ça adoucit un petit peu la chose pour ce qui est le centralisme d'État ou des choses comme ça, même si Mussolini l'a beaucoup revendiqué, c'est sûr. Dans la tradition catholique, on nous dit souvent, j'ai déjà entendu ça, c'est une sottise sans nom, comme quoi l'encyclique concernant le national-socialisme, dont je ne vais pas dire le nom parce que je ne parle pas un mot d'allemand, d'aider une prononciation allemande qui est bien meilleure que la mienne, combien de fois on m'a sorti ça, condamnerait le national-socialisme en tant que tel par rapport à la Shoah, les Juifs, tout ça. Non mais ça, c'est des gens qui n'ont jamais enquêté sur le sujet, ils l'ont jamais lu, puisque l'encyclique a été sortie en 1937, donc Shoah, les Juifs, machin, de quoi vous me parlez? La Seconde Guerre mondiale n'avait pas encore commencé. Le cœur, finalement, de l'encyclique, c'est l'histoire de concordat, d'histoire politique. Vous le lisez maintenant, c'est même difficile à comprendre, parce qu'on parle quand même de trois quarts d'histoire de concordat. Et ensuite, après, on parle des excès qu'ont pu avoir les nationaux-socialistes dans l'expression politique qui était la leur. Ce qui est une réalité, d'ailleurs, il y a eu des excès. D'ailleurs, on vient d'en parler, le chef, il ne faut pas trop le mettre sur un piédestal non plus, ça reste quand même un homme, alors un homme providentiel si on veut, mais ce n'est pas une divinité. Ou le fait que des éléments clairement hostiles au catholicisme dans l'Allemagne national-socialiste avaient une place trop importante dans la hiérarchie. Typiquement, en fait, c'était une façon de s'en prendre à Himmler, et puis les côtés un peu néo-païens, un peu agressifs, voilà, qui étaient d'ailleurs extrêmement minoritaires, extrêmement minoritaires. Et Hitler, d'ailleurs, lui-même, se moquait ouvertement des folies d'Himmler et de toute le folklore païen qui entourait Himmler, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'Himmler voulait absolument faire des recherches archéologiques pour prouver qu'il n'y avait pas une petite croix gammée qui était là dans telle époque, et on voulait faire des fouilles, etc., Hitler avait répondu quelque chose qui était en substance, il faudrait pas faire des recherches trop profondes parce qu'on verrait finalement que bah nous, en tant qu'Allemands, on était déjà en déclin par rapport à l'Italie chrétienne qui avait déjà une civilisation flamboyante. Voilà. Vous voyez un peu l'état d'esprit par rapport à un ultranationaliste allemand qui a quand même le courage de reconnaître cette évidence aussi, quoi. Il y a eu un conflit aussi avec les églises, on y est en Allemagne, parce que pour le coup, les catholiques et les protestants étaient d'accord dessus, puisque au nom de la natalité, voilà, les enfants pouvaient se faire dans le mariage ou hors mariage, c'était un petit peu importe, par exemple. Ça, c'est un conflit, voilà, qui a eu typiquement dans l'Allemagne national-socialiste. Et pour reparler un peu de soutien critique, en quelque sorte, après-guerre, Maurice Bardèche, qui fait une profession de foi fasciste, souligne, prétend souligner ici ou là des imperfections chez Mussolini, chez Hitler, mais pourtant c'en est un partisan et un fervent partisan, donc l'un n'empêche pas l'autre. Et puis pour répondre d'ailleurs encore une fois à ce dont parlait Bobby avec le national-socialisme condamné en tant que tel, non, c'est une encyclique en langue vernaculaire, typiquement en allemand, elle n'était même pas rédigée en latin, contrairement J'ai essayé à ce qui se faisait à l'époque. On m'a déjà essayé de citer cette encyclique à la Fraternité Saint-Pilice, quelqu'un qui essaie de me citer le nom, qui n'a forcément pas lu le contenu, avec un ancien de faire un effort à le prononcer avec un accent latin. Et la personne n'avait même pas compris que l'encyclique était rédigée en allemand. C'était pour vous dire, quoi. La plupart des gens qui critiquent ce genre de truc-là n'ont même pas lu le contenu. Donc c'est Oui, mais affolant, c'est quoi. ça, c'est de la propagande. On est subi une propagande massive depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand on lit l'encyclique en question, eh ben on se rend compte, bah oui, il a condamné les excès, bah aucun régime n'est parfait. Donc comme on C'est Léon faisait. XIII qui disait ça d'ailleurs. Aucun Ouais, c'est régime n'est ça. parfait. Il prenait un Oui. exemple, Louis XIII pour appuyer ça, Saint Louis. Donc même Saint Louis, quoi. Donc, Même ok. Saint-Louis, bien sûr, Louis bien IX, sûr. Louis IX, mon Louis bon IX, Bobby. oui. Louis Louis IX, et ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Louis XIII et Louis IX. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Il y a aucun régime de parfait, et alors que contrairement à ce qu'il a dit sur le communisme, que le communisme a été condamné ipso facto. Il a été dit qu'il est intrinsèquement, c'est quoi Pervers. déjà? Pervers. Ouais, c'est Pie XI, donc 5 jours avant l'encyclique Mit Bono Gaudium et Spes, qui est censé avoir condamné le national-socialisme. Pour le coup, il a sorti l'encyclique Divine Redemptis et qui condamne très explicitement le communisme de intrinsèquement pervers. Et là, il y a tout qui est nommé, etc. On ne retrouve pas du tout le même ton sur le national-socialisme. Hein. Les encycliques sont rarement infaillibles. Celle-ci sur le nationalisme ne l'est pas, d'ailleurs. Le fait qu'elle soit déjà en langue allemande fait que... Il n'y a pas que ça en plus. Hein. On est de l'ordre du... entre le 1 pour 100 et le 1 pour 1000. Les encycliques, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jeter au feu comme ça et ignorer, d'accord? Faut les lire, faut en tenir compte. Mais elles sont rarement infaillibles, d'accord? Ça faut pas oublier non plus. Sur la foi et les mœurs, après, elles ne se tromperont pas, mais ce sur quoi j'allais revenir, et pour un peu prolonger dans le propos de Bobby, c'est d'ailleurs une critique sur Mit Brennender Sorge, là, qui nous viennent des Jean-Michel Royco. Alors que eux soutiennent quelque chose comme l'Action française, qui pour le coup a été véritablement excommunié et violemment. Ils avaient plus le droit, les catholiques n'avaient plus le droit de lire le journal et les adhérents n'avaient plus le droit d'aller communier à la messe, par exemple. Ça n'est jamais arrivé ni au régime italien ni au régime allemand. Donc vous voyez comme. Et après, j'étais pas pour cette condamnation. De Saint-Pédis a laissé traîner le dossier, bien qu'il y avait des matières à condamnation sur des points de doctrine. Et il ne l'avait pas fait parce que c'était à avantager la démocratie chrétienne contre un esprit monarchiste et traditionnel. Ce à quoi Pie XI était, bon, pour le coup, passé à l'acte. Mais c'est vrai qu'on a ce danger-là. Vous avez d'Annunzio en Italie et Marc Sangnier en France. Donc la démocratie chrétienne, qui était de véritables modernistes religieux qui se prétendaient être les partis représentant les catholiques et l'unique voie possible en politique, voilà, c'était en fait un ennemi interne et juré et pré-moderniste, voire complètement moderniste. Quand on voyait les discours du Parti démocrate italien, enfin, c'était. Jésus, c'était Karl Marx, c'était un révolutionnaire prolo. Enfin, on en était déjà là avant même le Concile Vatican II. S'il y a eu Vatican II, c'est qu'il y a eu des prémices embêtantes. De toute façon, les cycles se répètent. Il faut voir que notre situation où nous sommes actuellement correspond quasiment à la situation de l'Allemagne avant la montée d'Hitler au pouvoir. On arrive à des stades, normalement, avec les dernières attaques woke, où on a les transgenres, l'hypersexualisation des enfants, c'est extrêmement grave. On en arrive à ce niveau-là. On arrive, l'Allemagne sous Weimar, on est quasiment notre miroir actuellement. On s'en approche. Les mêmes causes vont avoir les mêmes conséquences. Alors, mon cher Longinus, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense qu'on a largement dépassé la République de Weimar. Parce que la République de Weimar, alors oui, les Juifs étaient au pouvoir et contrôlaient toute la société. C'était la décadence complète, les femmes devaient se prostituer pour acheter du pain tellement il y avait une inflation folle. Mais sauf que l'Allemagne avait un avantage énorme, c'est que le peuple était homogène. Aujourd'hui, c'est les Juifs qui contrôlent et on a entre 20 et 30 millions de métèques en France qui seront automatiquement contre nous, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation, elle est pire. En fait, être Hitler en 2023, mais c'est le minimum, c'est le C'est le minimum. minimum. Je dirais, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans les ténèbres des temps présents, comme si l'ombre du diable, en fait, recouvrait la terre et essayait par son étreinte, en fait, d'éteindre la lumière qui est apportée par le Christ, il n'en reste plus que généralement la foi, la guerre et le sacrifice. Et c'est justement ça aussi qu'est l'esprit de catholique et l'esprit du national-socialisme, c'est revenir à la religion, revenir, être radical, c'est revenir à la racine, remettre la nature, le droit naturel en place et faire le don de soi. Et effectivement, comme tu le dis, la situation qui est actuellement, effectivement, oui, en y pensant, elle est peut-être bien pire puisque nous avons effectivement un peuple et des peuples étrangers. Alors attention, qui ne s'aiment pas entre eux non plus. Et donc, aussi, lorsqu'on regarde, en fait, il y a beaucoup d'entre eux qui vivent en France, mais qui, grâce aux aides sociales, est-ce qu'ils nous volent, eh ben, se payent des résidences dans leur pays d'origine. Donc le jour où ça va commencer à sentir le roussi en France, Le gaz. on aurait le gaz exactement. C'est une grande partie d'entre eux repartiront. Il ne faut pas penser que ces gens sont des courageux non plus. Tant qu'il y a l'État-providence, ils seront là. Le jour où ça pète, il y en aura, à mon avis, je dirais bien un bon 60-70% qui repartiront, parce que la plupart d'entre eux ont des biens. Que ce soit en Algérie, au Maroc, etc. La plupart d'entre eux, ils ont des biens. C'est simple, ce qu'on veut, nous, c'est vivre librement sur cette terre, les Européens en Europe, les Africains en Afrique, les Asiatiques en Asie et les Juifs en prison. Voilà, au-dessus, c'est le soleil. Donc, le jour où ça appartient en cacahuète, ces gens-là vont partir. Effectivement, il restera ceux qui sont complètement déracinés. Les parasites, d'ailleurs, que les. Lorsque vous parlez avec des Africains du continent africain, ils vous disent que vous êtes complètement fous d'accepter ces gens-là, qui sont des déchets que nous ne voulons même pas dans nos pays. Moi, je leur dis, vous inquiétez pas, nous non plus. Hein. Mais sauf qu'on ne nous laisse pas le choix. Donc, il nous restera effectivement ces gens-là. Je pense, au contraire, on a de très grandes chances de gagner. Parce que là, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, c'est qui tout double pour nos ennemis. C'est qui tout double. Et cette fois, ils vont perdre. On ne peut pas continuer à rejouer la même partie en faisant les mêmes choses et en espérant le même résultat, surtout cette fois, étant donné que rien n'est jamais, acté, surtout dans l'histoire humaine. Tout peut arriver. Et aujourd'hui, effectivement, comme tu disais, Dédé, Hitler, c'est le minimum. Si vous saviez à quel point la situation est catastrophique, et je parlais pour moi encore plus, je dirais, au niveau des enfants, parce que c'est là, en fait, où l'attaque principale maintenant est. On a attaqué la famille, on a attaqué la religion, on a attaqué la relation homme-femme, maintenant c'est les enfants. Les enfants, une fois qu'ils sont corrompus, ils vivront toute leur vie avec cette corruption. Certains s'en sortent. Alors quand je parle de corruption, je parle notamment au niveau de tout ce qui est sexuel, notamment des viols d'enfants. Et chaque année, apparemment, en France, il y a 165 000 enfants qui sont abusés sexuellement. Ces enfants porteront cette cicatrice toute leur vie, soit deviendront eux-mêmes des prédateurs, soit se suicideront, soit reproduiront ce genre d'actes. Certains s'en sortent, mais ce n'est pas vraiment la majorité. Donc aujourd'hui, c'est un combat extrêmement important, puisque si on n'arrive pas à sauver les enfants, c'est notre civilisation qui s'en va. C'est sûr, oui. Et là-dedans, il faut agir sur ce qui dépend de nous, comme disait Épictète. Voilà, ce qui ne dépend pas directement de nous, c'est pas qu'on s'en préoccupe pas, mais c'est plus dans l'abstraction, plus loin. Pour faire une petite transition, d'ailleurs, j'allais parler un petit peu du thème de la violence, un peu qui est présente dans le fascisme. Je pense qu'il faut l'assumer, parce que c'est une solution assez résolutive et chirurgicale. Et surtout si elle est mise au service du bien, si elle balaye le mal, là, on se rapproche justement de thèmes proches de saint Thomas d'Aquin qui légitime dans certaines conditions, même dans l'histoire, voilà, l'Église, sur certains massacres d'hérétiques. D'ailleurs, c'est plutôt sur des gens qui se prétendent chrétiens et qui sont hérétiques où les massacres ont été les plus violents, plus que vis-à-vis de musulmans, de juifs ou d'autres religions, par exemple. Et voilà, donc c'est permis de pratiquer finalement une certaine violence. Et ça, le fascisme l'a pratiqué, mais en même temps, Mussolini dit bien nous avons répondu par la violence à une même violence qui est même sans comparaison vis-à-vis de tout ce qu'ont pu faire comme charnier les bolcheviks, par exemple. Et il a réussi, Mussolini, avec des conditions, et Hitler aussi a réussi, avec des conditions qui étaient moins favorables, comme dirait Lucien Rebatté, que l'Action française de Charles Maurras, où lui, il avait nombre d'étudiants sur tout le territoire français. L'effet libre avec lui, il avait toutes les catégories des paysans, voilà. Il était vraiment très bien suivi et il n'a pas réussi à faire quelque chose là où, avec une action chirurgicale assez violente et en se mêlant un petit peu des parlements et tout à l'époque, parce que c'était encore possible, voilà, ils ont réussi vraiment à littéralement prendre le pouvoir et rénover la société comme il le fallait. De toute façon, comme on dit, civis pacem para bellum. Il faut celui qui veut la paix prépare la guerre. Hein, que la violence est justifiée, notamment lorsqu'on a, le mal et l'erreur n'ont aucun droit. Civis pacem para bellum, donc si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est ça, donc c'est normal, la violence n'est pas une finalité en soi, la violence est là pour, justement, empêcher le mal de progresser, et c'est justement ce que nous avons besoin dans une société qui, au contraire, a féminisé les hommes, dit surtout, faut pas utiliser la violence. Là, j'en viens un petit peu aux Indo-Européens que j'ai cités, vous savez que dans la période antiquité, voire pré-antique, c'est les peuples arrivés de l'Est qui ont partager leur sang avec tous les Européens qui étaient présents sur place, de l'Europe de l'Est à l'Espagne, même si voilà, les Allemands ont peut-être plus 60% de leur sang et les Espagnols 40%, peut-être un peu moins. Et ça, c'était une race d'élite. À chaque fois, ils s'établissaient de façon aristocratique. Et d'où cette grande et haute référence dans l'histoire européenne qui a été utilisée par Adolf Hitler, mais parce qu'Adolf Hitler était quelqu'un de cultivé, qu'il aimait son pays et qui disait les choses qu'il fallait dire. Et en plus, il est prouvé que c'était assez matriarcal dans les régions européennes avant que eux arrivent. Ils ont instauré partout le patriarcat et les lois que l'on connaît jusque le code Napoléon et un peu plus, enfin jusque la Troisième République, je sais pas, c'est la Cinquième qui est devenue folle. Folle, je pense qu'il faut inventer un nouveau mot là, à ce stade-là, parce que là, ça dépasse l'entendement. Ils s'en prennent quand même, on parlait justement des enfants, ils s'en prennent aux enfants, ils veulent les mutiler et en faire des transgenres, par exemple. C'est ce que le système essaie de pousser actuellement. Mais c'est ce qui se faisait déjà sous l'Allemagne, en fait. L'Allemagne, justement, je voulais venir, parce que vous savez, les images qu'on nous présentait au lycée, quand on vous expliquait à chaque fois que Adolf Hitler, pour le petit déjeuner, il mangeait des petits enfants et c'était un diable. Et on mettait souvent en illustration des images de méchants nazis qui étaient bien sûr totalement ignares, absolument pas cultivés, et qui brûlaient des livres. Voilà. Bah, la preuve, ils brûlaient des livres. Quel genre de livres ils brûlaient? Quel genre de livres ils brûlaient? Bah, ils brûlaient typiquement ce dont on est en train de parler en ce moment, des livres qui faisaient la promotion de l'homosexualité, transsexualité, des livres complètement déviants, juifs. D'accord, des livres pornographiques. Ouais, voilà. Donc en fait, tout un tas de trucs qui étaient mis à la disposition du grand public, et déjà à l'époque, et qui proposaient aussi des histoires de mutilation. Alors, eux, ils disent changement de sexe parce que c'est plus sympathique présenté comme ça. C'est de la mutilation, voilà. C'est exactement ça. On dit toujours ils ont brûlé des livres, donc ils se sont attaqués à la littérature et à la culture. Non, ils ont brûlé certains livres, dites-nous lesquels. Tu vois. C'est ça qu'il faut leur dire. Et outre les Indo-Européens, vous me dites... Vous allez me dire, je suis un peu chiant avec ce sujet, mais les humanités... Un peu chiant avec ce sujet. Les humanités, que je vante souvent, donc humanitas en latin, il faut vraiment s'y pencher, parce que même là, Adolf Hitler ou Benito Mussolini, qui étaient des gens très cultivés, peut-être à la différence de Franco d'ailleurs, qui là a été un grand militaire, très pieux, et avait beaucoup de valeurs, mais en version un peu plus inculte. Vis-à-vis d'une culture vraiment en général ou des choses comme ça. Il y a une différence entre les fascismes et les formes un peu national-catholicisme, si vous voulez, en ce sens. Par exemple, dans les humanités, vous voyez avec Xénophon, chez les premiers Grecs, qui pensait la théologie déjà, avec la conception d'un dieu unique, même souvent chez les païens, malgré la multiplicité des dieux, on avait envie de remonter la pyramide à un seul. Ou par exemple, Zeus est un petit peu le dieu des dieux, des choses comme ça. Donc il y a un pré-monothéisme, voire des fois du monothéisme philosophique, y compris chez les païens. Vous avez les lettres de Basile de Césarée, qui est un père de l'Église grecque, qui est viable pour les catholiques, qui étudie, il dit que Hésiode, les chrétiens peuvent le lire, les chrétiens ont baigné dans une période païenne avant de la christianiser, et finalement Hésiode, dans ses poèmes, faisait l'éloge des vertus naturelles, donc ça ne s'oppose pas du tout à nous. Nous ajoutons à la vertu naturelle, la vertu surnaturelle, elle vient se greffer dessus parce qu'on est bien, parce qu'on est saint, S-A-I-N, on va pouvoir devenir saint, S-A-I-N-T, ce qui est au-dessus. Et d'ailleurs, c'est la culture des humanités. Adolf Hitler a fait un petit peu du Charlemagne, puisque avec le lancement des écoles gratuites, comme on disait à l'époque, eh bien, il a aussi réactivé la culture grecque, grecque et latine, pour l'Europe. Finalement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais oublié et on s'est toujours comparé dans toutes les périodes données de l'histoire à l'Antiquité. Que sommes-nous par rapport à l'Antiquité? Donc on s'intéresse à ça et ensuite on se décrit et l'homme européen se comprend à travers cela. Pas seulement, mais il faut revenir quand même à cette source. Et là, je vous recommande même Paul Valéry. Vous avez des petits livrets assez rapides à lire. Léon Daudet a parlé de ça, Monseigneur Bossuet, Antoine de Rivarol, ouais, tous ces auteurs-là. Et j'ai envie de dire, entre un prêtre qui a fait sa humanité et un qui n'en a pas fait, il y a une différence. Parce que l'autre arrive à avoir une grande tenue, un vocabulaire riche. Ça forge la personnalité. À la Fraternité, vous avez l'abbé Laurence, par exemple, qui est très impressionnant en ce sens, quoi, avec son calme et tout ça. Je pense même l'abbé Ricossa, en soi, à l'IMBC, les a fêtes, par exemple. On ressent une différence chez un homme, qu'il soit clair ou non, quand on est passé par là, et ça, tonton, n'est-ce pas, le savait. Et tonton avait compris que si le christianisme s'était particulièrement bien implanté en Europe, c'est pas uniquement grâce à l'empereur Constantin, c'est aussi parce qu'en fait, tout était... Il y avait déjà cette philosophie qui était présente. Tu parlais justement, Rex, de la nature et la sous-nature. La sous-nature qui vient élever, en fait, un bien qui existe déjà, qui n'est pas là pour l'abroger. Tout était déjà présent, en fait, en Europe pour qu'on puisse accéder au christianisme et l'embrasser. Combien d'auteurs ont fait ces parallèles entre... Un païen comme Léonidas, et puis même la vie terrestre de Jésus-Christ en tant que tel, où en fait les deux vont décider de donner leur vie pour une chose qui les dépasse. Et ça, c'est deux éléments qui ont traumatisé l'histoire européenne, et ça se mariait très bien ensemble. Et ça ne pouvait pas se passer autrement, en fait. Le christianisme n'aurait pas pu émerger comme il a émergé ailleurs qu'en Europe, de manière aussi simple, de manière aussi fulgurante, Le centre n'aurait pas pu être ailleurs qu'à Rome. Ça n'aurait pas pu être à Ouagadougou. C'est pas possible. On n'aurait pas pu avoir une papauté présente à Ouagadougou. Il n'y a pas cette philosophie, cette abnégation, en fait, qui transpire en nous. Oui, l'amour du beau, du bien, du vrai. Chez les Grecs, on appelait ça le kalos kagatos, par exemple. Donc, c'est vraiment l'amour de ce qui vraiment fait tout, élève un homme. Et voilà, contre tout fidéisme ou royalisme obligatoire, je dirais même, comme on disait avec Dédé, voilà, que le fascisme, donc c'est la monarchie plus un. Si on veut vraiment faire du monarchisme français pur jus, bien que dans l'histoire française, il faut avoir un respect témoigné vis-à-vis de ce régime, ça c'est clair, hein, il l'a fait, il nous a fait. Mais si tu fais du partisanisme, du nationalisme pur jus, l'erreur gallicane, hein, par exemple. Donc on se fichait des lois vaticanes sur la juridiction pour faire nos propres évêques. Et ça, c'est notamment Charles VII qui l'a initié, et encore pire avec François Ier, où c'était carrément publiquement. Pareil, pour répondre aux royalistes, si vous voulez faire du Louis XVI pur jus et revenir en 1788, bah, sachez que l'année d'après, il va se passer exactement la même chose, parce que vous n'aurez pas rénové votre principe, et le pauvre Louis XVI va se refaire décapiter une deuxième fois. Quoi. Donc voilà, il n'y a pas de régime idéal sauf si on s'enferme dans les abstractions, disait Léon XIII, cité par Bobby. Et voilà, une dictature éclairée à la Donoso Cortés avec ce principe monoarque du chef unique est tout à fait viable, on va dire, dans une sorte de... Sous Mussolini, ça s'appelait la République sociale italienne. Les gens qui veulent revenir un peu à Vatican II, bah écoutez, je trouve que c'est une mauvaise idée, parce que vous allez devoir, de la même manière, assumer les conséquences de Vatican II qui va arriver. Voilà. Pourquoi la fraternité Sapidis s'appelle comme ça? Parce qu'en fait, Sapidis a fait le serment antimoderniste début du XXe siècle. Début du XXe siècle, c'était 1910 quelque chose, quoi. Déjà à l'époque, il y avait des problèmes de modernisme. Il y avait le besoin de créer une sorte de société secrète, la Sapinière, anti-moderniste, parce qu'en fait, le pape Saint-Pédis avait déjà compris que l'erreur était déjà présente dans les séminaires, et il voyait le danger arriver. Et dans le fascisme, donc on disait, voilà, c'est un concept universel et national. En fait, ça appartient plus vraiment à un régime déterminé, mais c'est un concept mondial opérant, presque. L'international fasciste, c'est peut-être encore autre chose, et pas tout à fait vrai, dans le sens où on était pour la paix quand on était fasciste, mais quand en 39-40 la guerre était déclarée, le patriotisme s'y est mêlé. Donc, bon, la guerre, il y a guerre, donc on se combat entre nations, même si la veille, on n'était pas pour, on était contre. Donc, comme il y a le patriotisme, bon, ça, c'est peut-être pas un universalisme inorganique. On ne nie pas l'existence des nations. Et dans la ville de Rome, il y a un beau discours de Benito, de Musso, comme dit Dédé, où il honore dans cette ville trois modèles de civilisation qui ont été donnés au monde, à savoir, il cite, la romanité, la catholicité et maintenant le fascisme. Donc dans cette ethnarchie fasciste, l'ethnarchie c'est un terme grec scientifique, on peut parler de... Dans l'Église, on le traduit un peu par la loi internationale, quoi. C'est le problème de la loi internationale, c'est que si on ne veut pas, en quelque sorte, un ONU catholique, eh ben, l'ONU sera tenu par les francs-maçons, en quelque sorte, quoi. Donc c'est normal, comme dans les temps anciens, finalement, quand il y avait plusieurs royaumes, c'est le royaume principal qui était un empire et qui faisait des lois comme les conventions de Genève pendant la guerre à respecter, quoi, quelque chose comme ça. Donc la loi internationale a toujours existé, il faut bien qu'on en soit conscient aussi à cette échelle pour ne pas qu'elle soit phagocytée par d'autres. C'est important de ne laisser du terrain nulle part à personne si, sur, vis-à-vis de nos ennemis. C'est sûr que la nature a horreur du vide. Donc quand il y a des lacunes, il y a forcément quelqu'un qui va s'en emparer. Donc comme tu dis, il faut justement une internationale fasciste, surtout à notre époque moderne de communication, etc. Sinon, ça va être une internationale communiste, rouge, ou un mondialisme maçonnique, etc. etc. Enfin bon, déjà, avant l'internationale fasciste, je pense qu'il faut des nations fascistes, et avant les nations fascistes, il faut des régions fascistes, et avant la région, il faut des familles fascistes, des individus fascistes, etc. etc. On peut remonter et descendre toutes les strates de la société, des biens communs, des biens particuliers, etc. etc. Et tu as un peu cité les Roaco, Rex. Donc généralement, les Roaco, ils sont antifascistes. En tout cas, les Roaco de salon, voilà, qui aiment bien mettre des collants, des perruques et tout le bordel. mais donc, ils sont antifascistes parce qu'ils sont aussi antiracistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Louis XVI, par exemple, avait fait la promulgation de lois complètement, ce qu'on dirait aujourd'hui, racistes en France. C'est-à-dire que la France, elle avait des colonies. Bon, qu'on soit pour, qu'on soit contre, on s'en fout, c'est un fait. Mais le Congoïde qui était dans les bateaux en train de ramer aux galères, entre guillemets, hein, pour porter le bateau français, n'avait pas le droit de débarquer, par exemple, sur le sol français. La Française n'avait pas le droit de se marier avec un métèque, etc. Et si elle le faisait, elle devait aller vivre dans les colonies. Donc là, c'est marrant, parce que quand tu dis ça aux royalistes, ils bégayent, en fait, tu vois, les mecs. Donc, désolé, les gars, mais les rois étaient racistes, en fait. Mais encore une fois, c'est raciste dans le bon sens du terme. C'est aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est raciste, on a l'impression qu'il veut exterminer toutes les races qui ne sont pas siennes. Mais en fait, ce n'est pas ça. Alors, il faut savoir qu'il y a une lettre qui émane de la Sacrée Congrégation des Séminaires et des Universités. Il faut savoir que c'est le pape, hein, en personne qui est le préfet, donc le big boss de ça. Donc, c'est la lettre du 13 avril 1938. Donc, on tombe dans la période qui nous intéresse forcément, des fascismes, du national-socialisme, etc., etc. Et en fait, cette lettre, elle condamne 6 conceptions racistes qu'il faut rejeter. Donc la première, c'est « Les races humaines, par leur caractère naturel et immuable, sont tellement différentes que la plus humble d'entre elles est de plus loin la plus élevée que de l'espace animal la plus haute. » En gros, hein, que le nez, comme dit Louis XVI, est plus proche du singe que de l'homme. Donc ça, c'est, forcément, c'était condamné. Deuxième proposition condamnée, « Il faut, par tous les moyens, donc là je dis par tous les moyens, conserver et cultiver la vigueur de la race et la pureté du sang. Tout ce qui conduit à ce résultat est, par le fait même, honnête et permis. » Troisième proposition rejetée, c'est du sang, siège du caractère de la race, que toutes les qualités intellectuelles et morales de l'homme dérivent comme de leur source principale. On passe à la quatrième. Le but essentiel de l'éducation est de développer les caractères de la race et d'enflammer les esprits d'un amour brûlant de leur propre race comme du bien suprême. Cinquième proposition condamnée. La religion est soumise à la loi de la race et doit lui être adaptée. Et dernière proposition condamnée par l'Église, la source première et la règle suprême de tout l'ordre juridique est l'instinct racial. Donc en fait, l'Église condamne ces 6 formes de racisme et c'est tout à fait conforme à la doctrine catholique. Pourquoi ? Parce que en fait, même le plus humble des qui n'appartient pas à la forme d'humanité la plus flamboyante, hein, voilà, les maisons en caca, en paille, etc., le fait de manger de l'argile, répond malgré tout à la définition de l'homme, c'est-à-dire un animal social, ayant une âme insufflée par le bon Dieu. Donc, de plus, on refuse la maxime judéo-communiste, la fin justifie les moyens. Parce que voilà, la deuxième proposition condamnée, c'était « il faut par tous les moyens conserver et cultiver la vigueur de la race ». Donc forcément, nous, on rejette la maxime judéo-communiste, la fin justifie les moyens. Il ne faut pas utiliser n'importe quel moyen pour assurer la pureté raciale. Ceci doit être conforme aux principes généraux de l'équité, de la charité, ce qui est tout à fait normal. Donc on rejette ainsi la stérilisation ainsi que l'extermination de masse. Ça, bah, désolé les gars, ce n'est pas quelque chose qui est catholique, hein, la stérilisation et l'extermination de masse. En outre, malgré toutes les lois saines pour préserver la nécessaire cohésion raciale, il y aura forcément un infime métissage qui sera ponctuel et malheureusement inévitable. Mais bon, ce petit métissage, il n'aura pas de gravité, mais il n'y aura pas une grande gravité pour l'équilibre racial. Naturellement, nous interdirons le métissage et son esprit quand nous pourrons passer au pouvoir, quoi, bien sûr, si le bon Dieu nous l'accorde. Ce qu'il faut combattre avant tout, c'est le métissage généralisé, c'est la doctrine du métissage, etc., etc. Mais je pense qu'aux confins de l'Empire, il y aura quand même des métisses, quoi qu'il arrive, même si les femmes blanches, on les enverra vivre dans les colonies avec leurs noirs mulâtres et autres gens de couleur, comme disait aussi Louis XVI. Tu as un bon élément aussi avec Pie XII qui avait été contre le débarquement allié, ou du moins était dérangé par la présence de soldats noirs et qui, à leur arrivée, a fait fermer notamment les bordels pour préserver les prostituées. C'était pas Pie XII avant justement qu'il devienne pape, qui avait fait, quand il était à directeur de l'université catholique, qui justement avait fait qui avait dit qu'il n'était pas incompatible de protéger sa race et d'être catholique. Oui, avant qu'il le devienne, oui, exactement, t'as raison. Voilà, ouais, c'était bien lui, c'était bien ça. Encore Monseigneur Pacelli à l'époque, effectivement. Voilà, mais de toute façon, on le sait maintenant par la génétique que la génétique fait l'intelligence. Et l'intelligence, la culture, elle est un dérivé de l'intelligence et donc de la compréhension du monde qui nous entoure. Les civilisations, il faut bien se mettre ça dans la tête, il faut que les gens arrêtent justement de cette folie qui fait qui nous dit que nous sommes tous êtres humains, on a tous le même sang, on est tous pareils. Non, c'est faux. Il existe différentes civilisations, et il y a des échelles de valeur entre les différentes civilisations. Chaque civilisation n'est pas égale, chaque race n'est pas égale non plus. Et c'est justement ça qu'il faut rétablir la vérité en tout point et sur tout. Ça sera, si on arrive à faire ça, c'est déjà, on a déjà gagné. Bah, l'égalité n'existe nulle part, en fait, quoi. C'est entre un homme et une femme, voilà, c'est des choses qui se complètent, qui sont scindées, différentes, on peut dire des choses comme ça, mais c'est jamais totalement égal, quoi. Non, de par la génétique, chaque individu sur cette terre est unique, à part peut-être les jumeaux. Et même parfois au niveau des vrais jumeaux, il y a des différences. Voilà. Donc il n'y a qu'une seule civilisation, en fait, qui est la civilisation chrétienne, quoi. Mais du coup, je voudrais revenir à ce document qui est sorti du Vatican sur le racisme, en fait, parce que c'est quand même un document assez important. Et les gens, à chaque fois qu'ils nous traitent de racistes, en fait, ne savent même pas en quoi nous sommes racistes, mais réellement racistes au sens catholique du terme. Donc, en fait, par exemple, nous, on rejette le principe matérialisme de l'absolu racial. On ne souhaite pas créer un nouveau veau d'or ou d'autre idole. Ce qu'a condamné Pie XI dans son encyclique sur le national-socialisme, d'ailleurs, on ne peut pas idolâtrer la race ou le sang ou l'État, ce n'est pas possible. Notre absolu, avant tout, c'est le Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité incarnée. Et c'est notre Seigneur qui nous a généreusement donné notre race, qui vient donc, entre guillemets, en deuxième absolu, dans la logique suivante. Avant tout, c'est le bon Dieu, après c'est la race, après ça va être l'Europe, la nation, la famille, etc., etc. Comme on dit, on redescend les strates. De haut en bas, d'ailleurs, et tu fais bien de le dire, parce que du coup, au-dessus de nationalisme, on peut trouver impérialisme, européisme, des choses comme ça, qui ne viennent Exactement, pas ouais. forcément annuler les choses. Dans les fascistes, voilà, on voit les falangistas espagnols, vous avez l'eurexisme belge, par exemple, en référence à l'encyclique sur le Christ roi. Bon, moi, c'est Rex en référence au chien, attention, rien à voir. Et Oui, bien sûr. Oula. exactement, exactement. Et par exemple, oui, sur le fait de suivre Vatican II, vous voyez que Franco et Salazar, par exemple, qui ont obéi, en quelque sorte, avec une mentalité catholique, quand ils ont été sommés de retirer de la Constitution leur catholicité, bah, voilà, ils appliquaient un peu ce que je demandais la juridiction de l'Église, qui déjà, voilà, dans les années, enfin, à 50-60 plutôt, ça c'était quand même post-Vatican II, mais le début, et même la Colombie était dans ce cas-là, constitutionnellement, ils disent, nous sommes un pays catholique, et c'est... Dites-vous comme ces gens ne sont pas catholiques, quoi. Ils forcent des pays entiers, l'Espagne et la Colombie, de dire non, mais vous vous dites catholique, mais non, non, arrêtez tout de suite. Et ce sont des hommes d'église qui leur disent ça. C'est le modernisme religieux, c'est ça dans toute sa bonne Une splendeur. trahison. Non, cette trahison complète, quoi. Et Enfin, donc comme voilà. François qui s'exprime en public pour dire ah non, moi on m'accuse d'avoir voulu convertir des gens, ou je crois qu'il parlait de juifs en l'occurrence, à convertir. Ah non, non, non. Bah, pourtant, c'est un peu la mission première quand même. En tant que pape, convertir les gens, oui, il faut l'assumer, mais bien sûr, on veut la conversion des gens. Je lui fous pas d'ailleurs, on veut la conversion, oui. Le vendredi 20 décembre 2019, dans un message adressé à des lycéens catholiques, le pape François a déclaré: Pour être cohérent dans votre foi, vous ne pouvez pas dire aux enfants juifs ou musulmans, venez vous convertir. Cette cohérence vous fera mûrir, nous ne sommes pas au temps des croisades. C'est la base de l'apostolat, quoi. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 18. Mais voilà, je disais, donc l'impérialisme n'oppose pas forcément au nationalisme, quoique ça dépend un peu évidemment de la chose, mais de même, nationalisme n'empêche pas l'universalisme. Donc voilà, on a des principes humains universels, même s'ils s'appliquent dans une culture propre, un pays propre, avec un peuple propre. Comme le provincialisme, le régionalisme n'empêche pas le nationalisme. Si vous regardez les faits libres, Maurras dans la première partie de sa vie, Frédéric Mistral et tout, bah, ils défendaient le sud de la France. Vous avez la même chose chez les Lorrains, les Bretons, les choses comme ça. Ils avaient leur, il y a ceux qui sont séparatistes, par exemple. Donc là, c'est encore autre chose. Et ça peut peut-être même, dans une certaine mesure, légitime. Moi, je suis même pas là pour trancher. Mais voilà, vous voyez qu'on peut honorer sa région tout en honorant sa nation. Ensuite, pourquoi pas l'européanité, sa civilisation, etc. Et également porter des principes universels. D'une certaine façon, après-guerre, Yukio Mishima, qui était homo d'ailleurs, et porte des principes fascistes à la japonaise. D'une certaine façon, quand il dit que le Japon d'après-guerre a oublié son âme, etc., qu'il faut revenir à d'autres principes. Deuxième fiotte intéressante, c'est Abel Bonnard, par exemple, qui était ministre de l'Éducation nationale du maréchal Pétain. Bon, il n'en faisait pas toute une histoire, mais lui faisait partie des rares collaborationnistes purs et durs du régime, là où, en général, ils étaient plus pro-France, attentistes sur les accords entre Angleterre, Allemagne et tout ça. Vichy, c'est surtout ça. C'est moins collaborationniste que Paris. Parle du Japon, ça fait rêver parce que quand tu vois qu'ils sont très racistes et qu'ils protègent énormément leur peuple et qu'ils laissent absolument pas rentrer les étrangers et qu'ils sont très discriminants envers les étrangers, ça laisse rêveur. Et là-bas, les enfants peuvent se promener à 4-5 ans aller faire les courses, et ils sont en sécurité. Il y aura toujours un adulte pour les aider s'ils ont besoin de quelque chose. Chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui en France. On pouvait faire ça peut-être encore à notre époque, mais aujourd'hui on ne peut plus le faire, on ne peut plus laisser nos enfants se promener, aller chercher du pain ou quelque chose de normal dans un pays normal. On ne peut plus le faire aujourd'hui en France. Et ça, c'est terrible. C'est le cosmopolitisme, le manque d'éducation et tout ça qui le provoque d'ailleurs, ça c'est clair. Oui. Et j'allais dire, oui, pour les Royco, encore une fois, pour leur mettre 2-3 tartes en bonus game, si j'ose dire, faut savoir que certains, souvent légitimistes, critiquent même le terme de nationalisme, par exemple, qui pourtant était employé par les Saintes-Ligues, quoi, les ligues en France, parfois même celles qui étaient non gallicanes et contre le roi, avait des propos très proches de Barrès, et le mot de nation et de nationalisme existait déjà, en sachant que nation, c'est un vieux mot qui est présent même dans la Bible. Donc voilà, s'il y a nation et que c'est accepté dans la Bible, pourquoi ça serait mauvais en soi? Des fois, on voit dans la haine des Royco, enfin, elle est tellement bête et aveugle que c'est une idiotie complète, quoi. Ils s'opposent à nous sur des trucs où, bon, je veux dire, on est juste dans la vérité, des choses tout à fait basiques et simples, quoi. Et quand on critique le fascisme, je suis désolé, les gars, même si on n'est pas un gauchiste, on est un antifa. Et là, c'est pas bon, quoi. Quand on est un antifa, ça existe beaucoup chez les conspis ou les droitards bourgeois. Dédicace à Lesquin qui dit c'est carrément un socialisme de gauchiste ou je sais pas quoi, alors que lui professe des idées assez proches de 1789, tandis que Mussolini les combattait comme un agent pervers et étranger, ce qui fait de lui plutôt un contre-révolutionnaire et non dans un sens révolutionnaire et gauchiste. Là, il faut voir là aussi lesquels sont du côté de la contre-révolution, et pour la partie conspirationniste, là, évidemment, petit clin d'œil à Pierre Hillard, où, voilà, d'un seul coup, Hitler, c'est un zombie juif pro-protestant ou je sais pas quoi. Voilà, faut se garder de ces délires quand quelque chose nous déplaît, et être juste dans les jugements, surtout quand on est précis par ailleurs sur plein d'autres. Si t'écoutes bien Pierre Hillard, son chat est juif. Bah, faut inquiéter. Et franc-maçon de 33e degré, et Laurent Glosi ajouterait, donc, je pense, martien et géant ou un truc comme ça. Ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle de Pierre Hillard et puisqu'on parle du national-socialisme, ça serait sympa que Pierre Hillard arrête de prendre son public pour des cons, en citant les fameux propos de table de Bormann, d'Adolf Hitler, d'accord ? Ah, qui sont complètement faux, en plus. Tout le monde sait que c'est complètement pété, d'accord ? Tout le monde est au courant, donc je pense que lui aussi est au courant, juste que ça l'arrange bien, parce que ça appuie ce qu'il a envie de dire, d'accord ? Mais tout le monde sait que ça ne vaut rien, à commencer par David Irving lui-même, qui est, il est national-socialiste, mais il est surtout un historien réputé sur le sujet, c'est la référence mondial en la matière. Il a déjà démonté ça des milliers et des milliers de fois. Faudrait qu'on arrête, parce que moi, dans les propos de table d'Adolf Hitler, je vais vous prouver que 2 et 2, ça fait 17, et puis 3 pages plus loin, 2 et 2, ça fait 4, quoi. Donc voilà, on a compris, ça ne vaut rien, ce truc-là. C'est ça qui est intéressant avec tous ces gens, c'est que... Ah, boutiquier, voilà. Oui, c'est boutiquier, en fait, c'est de l'opposition, on se pourrait dire même limite de l'opposition contrôlée, parce qu'il dit, il démontre très bien que les Juifs sont impliqués en plein de trucs, les mondialistes, etc., c'est très bien. Mais Hitler, non. Mais tu dis, attendez, vous foutez nous ou quoi ? Si, avec tout le travail qu'il a fait, il n'est pas capable, quand même, de faire ce petit pas, de dire, je dis la vérité, non, mais pas trop quand même, parce que Hitler, c'est pas bien. Par contre, moi, ce qui m'étonne de mon vivant, j'ai jamais vu de ma vie un film qui critique le communisme et tous les dégâts que ça fait, qui ont été, excusez-moi du peu, infiniment plus graves, et d'ailleurs qui nous causent toujours du problème actuellement. C'est ce qui nous cause des soucis maintenant. On en parlait cette semaine, Longinus. On parlait des films là, avec les chambrières, machin, là, c'est bon, t'en as 500. Je n'ai pas le souvenir d'un seul film où on nous présente les goulags. Ou alors peut-être un film qui est comme ça à l'arrache, pas connu, j'en sais rien. Il n'y en a pas un seul titre qui me vient en tête. Pas un seul. La loi m'oblige à vous le dire, monsieur, je suis juif. Bon, moi je suis allemand. Et puis voilà. Vous voulez ces gens-là ? Mes gens, je veux mes gens. Qui êtes-vous, Moïse ? On dit que votre usine est un havre. On dit que vous êtes bon. Qui dit ça ? Tout le monde. Six million Jews wicked, killed in gas chambers by the Nazis. Oh. Ah non, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui essayait de s'opposer à ça ou de dénoncer ça, il finissait au goulag. À part Solzhenitsyn, il n'y a pas eu beaucoup de gens, effectivement, qui ont survécu assez longtemps, ou non traumatisés, pour justement nous faire des rapports sur ce qui s'est passé. Il n'y a aucun film. C'est ce que disait Solzhenitsyn, il disait, le fait qu'on n'en parle pas dans les médias, le fait qu'on n'en parle pas en classe, que personne n'est au courant de ce qui s'est passé, des horreurs du communisme, qui ont fait, je crois, entre 50 et 100 millions de morts, sans compter l'Holodomor, qu'on essaie d'ailleurs de nous refaire au passage, ça veut dire que ceux qui ont fait ça, eh ben c'est ceux qui tiennent le monde actuellement et qui sont en train de refaire les mêmes choses. C'est ça qui est très inquiétant. J'allais recommander une bonne lecture aussi. Vous avez complètement dans le thème que l'on traite, même s'il n'y aura peut-être pas tous les sous-sujets et tout ça. Vous avez Piero Michiatelli aux éditions Reconquista Presse, qui de toute façon est une édition qui édite des livres vraiment qui nous est proche. Le titre, c'est « Le fascisme et les catholiques », donc c'est carrément dans le thème. Il a été rédigé à Milan en 1924, soit par un auteur catholique qui a soutenu ce régime et qui argumentait en ce sens sur... voilà, le fascisme défend le Risorgimento de façon patriote, même si c'était une période bourgeoise et maçonnique, parce qu'elle centralisait le pays. Et même le pape Pie IX à l'époque était un promoteur de l'unité italienne. Lui aussi était pour, pas à la manière des francs-maçons. C'est ça la différence. Après, comme on disait, le fascisme est très hiérarchique et en même temps assez démocratique au niveau de l'élite. C'est-à-dire, il y a un grand consistoire fasciste où dans la guerre en Libye, qui a été d'ailleurs brutal, Mussolini a été mis en minorité par son propre consistoire. Donc c'était possible, comme quoi il n'était pas d'ailleurs dictateur en haut de la pyramide dans le contexte italien, c'est que c'était le système de la diarchie parce que le roi était encore présent. Et ce roi avait grandement ouvert les portes, donc il n'était pas question de le mettre à la porte, quand bien même les deux pouvoirs se partageaient un peu dans ce système-là. Et d'ailleurs, il aura ouvert la porte au fascisme comme aux communistes. Aux démocraties et aux communistes en 1945, sauf que une monarchie, on ne la sauve pas avec des communistes, puisque quand est-ce qu'est morte la monarchie italienne, quasiment en même temps que Benito Mussolini, quoi, en 1945. S'il y a bien une critique à la limite qu'on peut par exemple accepter vis-à-vis du fascisme, c'est qu'il s'incarne dans le contexte d'une époque, qu'il y a un côté pas survivaliste, mais très vital d'urgence. Et donc, c'est une réaction assez passionnelle, et le côté passionnel a ses défauts. Mais par exemple, pour faire un parallèle avec Dante Alighieri, qui est très promu par le fascisme italien et très promu par l'Église catholique en même temps dans son enseignement, Léon XIII en était un grand lecteur dans ses loisirs studieux, si j'ose dire. Dante Alighieri, pareil, il a fait des choix très passionnels dans sa vie, dans le conflit des Guelfes et des Gibelins à son époque. Fallait-il soutenir plutôt l'empereur ou plutôt le pape, ou carrément l'empereur, carrément le pape, et toutes ces variantes rattachées aux riches familles italiennes de l'époque. Et pourtant, l'Église catholique, malgré ses choix passionnels, l'honneur sic comme un fils de l'Église, par exemple, lors du 600e anniversaire de sa mort, quoi. Et il a influencé jusque le magistère pontifical. C'est présent dans l'hymne italien fasciste Giovinezza, la jeunesse. Il y a quand même là encore de grands points communs. Et d'ailleurs d'une politique de Mussolini qui a été réalisée un peu dans le moindre point qu'avait défendu Enrico Corradini, qui est un nationaliste italien, quoi. C'était un peu le Maurras ou Barès de l'Italie avant les années 20 et après. Donc toutes les thématiques d'État, de romanité, anti-maçon, toutes ces choses-là étaient déjà présentes chez des auteurs qui avaient en quelque sorte préparé le terrain, quoi. Et le roi d'Italie, c'était Victor Emmanuel III, juste pour mentionner son nom, pour ceux qui veulent rechercher, il avait ouvert le palais du Quirinal, quoi, lors de la victoire fasciste et de la victoire alliée, n'est-ce pas, dans les deux sens. Tu fais bien de préciser qu'il y a un petit système démocratique en haut de la pyramide, on va dire, n'est absolument pas incompatible avec une doctrine fasciste qui s'existerait sur l'ensemble de la société, et n'est absolument pas incompatible avec un ordre naturel normal, classique, qu'on pourrait louer ici dans l'émission, il n'y a aucun souci là-dessus. L'exemple que tu as mentionné, du coup, c'était le fameux conseil de Mussolini, d'accord. L'exemple qui, moi, m'est venu en tête directement quand tu as parlé de ça, c'est tout simplement l'élection papale, parce qu'en fait, à la base, on a déjà... c'est déjà écrémé, en fait. C'est forcément une élite intellectuelle qui se prononce. Donc, du coup, ça élimine quand même pas mal d'erreurs. Il y a des gens en ce moment, ça fait un petit bout de temps, je pense à Chouard, qui essaie de faire la promotion de la vraie démocratie, l'ancienne démocratie. J'y dis attention. Attention, Étienne. Déjà, attention quand tu parles des... Petite boutade. Attention quand tu parles des chambres à air, tout ça. Faut absolument que tu dises que ça existait. Parce que je sais qu'Étienne, t'as voulu dire, je sais pas, je botte en touche et tout, t'as eu des soucis. Voilà, c'était pour la petite blagounette. Sur l'existence des chambres à gaz. Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Bah, oui, non, mais... Pff, c'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. Techniquement, j'ai rien, moi, je réponds pas, moi. J'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel. Que, moi, j'y crois. Évidemment, c'est obligatoire. Pourquoi le préciser? Je sais même pas dans quelle mesure dire j'y crois, c'est pas condamnable, hein, parce que ça veut dire quoi? Oh, détends-toi, toi, j'y crois, mais alors, on t'a rien demandé. Évidemment que t'y crois. En plus, devant une caméra, comme ça, là, t'es morte. Franchement, le métier de journaliste, oublie ça. T'es filmé, là, à mon avis, va te prostituer directement. J'aimerais pas être à ta place. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Moi, je réponds pas, moi. Je réponds pas, moi. Non, non, mettez pas, je réponds pas, parce qu'il y a une négation. OK? Donc, vous mettez... On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz? C'est une manœuvre pour me discréditer, pour que je puisse pas parler de mon sujet. Parce que c'est, comment ça se fait que ça arrive dans la conversation, ça? Enfin, c'est pas mon sujet du tout, quoi. Une énorme polémique depuis 24 heures après avoir tenu des propos négationnistes, Julien. Alain Soral, négationniste. Chambre à gaz. Alain Soral, les propos d'Étienne Chouard sur les chambres à gaz y ressemblent à beaucoup d'autres. Surtout, Étienne, si tu veux revenir à la démocratie, on va dire, à la première démocratie, la saine démocratie, la démocratie des premiers temps athéniennes. Moi, j'ai envie de dire, ok, alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'ils votaient les Athéniens? Bah écoutez, c'est très simple. C'était des hommes déjà. Les femmes ne pouvaient pas voter. Déjà, ça enlève 50% de bêtises. C'est écarté. Des hommes libres et des hommes en armes. Voilà. Si vous appliquez une démocratie comme ça, quelque part, je serais peut-être même prêt à l'approuver. Voilà. Et du coup, déjà, on partira. Simplement appelle la police, en fait. C'est la démocratie, c'est le gouvernement de la multitude sur la multitude qui est vicieuse. Et la police, c'est ce que tu as décrit là, Bobby. Oui, mais j'aime bien attraper ce truc-là parce que je l'avais déjà cité ailleurs dans d'autres circonstances. Peut-être que certaines personnes vont s'en rappeler, ça va les faire sourire. Mais lors de la première élection d'Emmanuel Macron, j'avais demandé à ma mère, qui est une prof de gauche, pas prof de gauche, oxymore bien sûr, pléonasme, pardon. Prof de gauche qui a tout le temps voté Parti Socialiste toute sa vie, et là elle avait voté pour un banquier, je l'ai quand même interrogé, pourquoi t'as fait ça maman, qu'est-ce qui se passe? Ah bah j'ai quand même voté pour Emmanuel Macron parce qu'il est beau, voilà la démocratie. Bon, ah. Je t'aime maman, je t'aime beaucoup, mais bon. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons, c'est un beau gosse. J'ai pas mal parlé de l'exemple italien, on a un peu parlé de celui allemand, mais pour re-embrayer un peu là-dessus, quand même, von Papen, qui était des partis démocrates chrétiens à la base et qui avait rejoint en tant que ministre le Reich, avait quand même osé dire que c'était la riposte chrétienne à 1789, par exemple. Là encore, on retrouve ce thème en Italie comme en Allemagne, c'est vraiment une contre-révolution aristocratique, comme je l'expliquais. Et la plus grosse bombe, à la limite, qu'on peut retrouver dans le document qu'on a cité sur le Troisième Reich, sur la bannière du Christ, c'est l'hommage post-mortem de Franco à le lendemain de la mort, ou quelques jours après la mort d'Adolf Hitler, en disant « Adolf Hitler, fils de l'Église catholique, est mort en défendant la chrétienté. Il est donc compréhensible que les mots ne peuvent être trouvés pour se lamenter de sa mort quand tellement de personnes furent trouvées pour exalter sa vie. Sur ses restes mortels se dresse sa silhouette victorieuse avec la palme du martyr. Dieu donne à Hitler les lauriers de la victoire. » Par exemple, c'est énorme. C'est magnifique, c'est magnifique. Je voudrais revenir sur un point qui est intéressant, parce qu'on parlait de démocratie. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est surtout revenir à une chose qui est plus naturelle pour généralement les populations, c'est de revenir en fait, à ce qu'on appelait les petits pays, en fait, les ensembles régionaux. Parce que finalement, la plupart du temps, les gens, lorsqu'ils vivent dans une zone, vous restez toujours en une même zone. Par exemple, la France, ça fait quoi, 700 000 km2, c'est énorme. On visitera peut-être, ne serait-ce que peut-être 10, 15, 20% de tout ce qu'il y a à voir en France. Et donc, ce qui est important, si on veut vraiment rétablir quelque chose, d'avoir des gens qui sont enracinés, ce qui est très important, c'est de rétablir en fait des participations et réenracinement et réinvestissement des populations locales au niveau de tout ce qui est mairie, communauté de communes, département. C'est quelque chose qui doit être fait important. Après, la démocratie au niveau national, faut voir. C'est pas quand on a un ensemble qui est hétérogène comme on a actuellement. Oui, c'est plutôt à échelle locale et moins nombreuse, plus unie, avec une culture régionale plus proche et tout ça. Ouais, c'est clair. C'est ce qu'ont fait les Basques. Hein. Les Basques, c'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont recréé leur monnaie locale, par exemple, qui est adossée à l'euro. Et ça leur a permis de recréer une économie qui fonctionne pas trop mal. Et c'est quelque chose qui doit être réappliqué partout. Je voudrais revenir sur un autre point, parce qu'on a beaucoup de gens qui, après, bien sûr, quand on leur parle d'Hitler, les nazis, le national-socialisme, pardon, ils ont peur, c'est la fin de la liberté, c'est la dictature dure, etc. Mais je leur dis, attendez, vous avez vu la France actuellement? Est-ce que vous pouvez faire un pas dans la rue sans violer une loi, sans violer un traité, sans violer quoi que ce soit? Non, on a quasi, contrairement, en fait, ce qu'on nous dit à la Révolution française, les droits de l'homme, qui en fait est un mensonge sémantique, puisqu'on nous donne des droits et on finit par nous les enlever dans les droits de l'homme. Il suffit de voir, en fait, de lire la sémantique, c'est faux. L'égalité s'oppose à la liberté, et c'est inversement, ça. Donc de toute façon, c'est... Si je suis libre, j'ai le droit de ne pas être fraternel ni d'être égal. Merci, voilà. Sinon, il n'y a pas de liberté. Donc, et ces gens-là, en fait, c'est ce qu'on leur a tellement inculqué, ces valeurs-là, qui sont toutes fausses, que finalement, dès qu'on leur parle d'Hitler, dictature dure, avec toute la propagande qu'on a fait là-dessus, les gens sont terrorisés, disent, on va perdre toute nos libertés. Mais vous les avez déjà perdues. Ils ont accepté le Covid, accepté de se faire vacciner. Ils ont accepté de se mettre debout pour boire un café parce que le Covid. Donc on a tellement de réglementations en France que vous ne pouvez plus respirer sans enfreindre une loi. Vous n'avez pas de liberté d'entreprendre, il y a trop de régulations. C'est horrible ce qui, avec un régime national-socialiste, n'arriverait pas parce que ce sont des décisions de bon sens qui sont prises. Il n'y a aucune liberté concrète, en fait. Il n'y a que de la liberté abstraite et qui, en fait, ne s'applique pas. Et au contraire, on a des interdictions à la place. Quoi. Bonjour, et vous l'avez dit, c'est aujourd'hui le jour J pour prendre son café en terrasse ou bien à l'intérieur d'un restaurant. Eh bien, il faut montrer son pass sanitaire. Je suis justement avec l'un des clients attablé. Bonjour, merci d'être avec nous. On l'imagine, vous l'avez? Ah, je l'ai, le pass sanitaire, voilà. C'est simple, hein, je suis venu dans ce café près de Montparnasse et j'ai montré ce pass sanitaire, le serveur me l'a scanné et le tour est joué, je suis rentré, voilà, j'ai bu mon café en terrasse. Alors quand vous êtes rentré dans le restaurant, on vous l'a demandé tout de suite, hein? Oui, on me l'a demandé tout de suite et on m'a scanné le QR code. Vous l'aviez anticipé, ce pass sanitaire? Ah oui, bien sûr, puisque j'ai mes deux doses. Donc, et puis s'il faut passer par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. Franchement, s'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie, allons-y, quoi. C'est interdit de parler d'histoire. Certains sujets, apparemment, c'est interdit. Je ne sais pas pourquoi, bizarre. Ah, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Non, pas du tout. Je repense à une petite critique, oui, de Pierre Hillard, parce que je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il critiquait déjà? Il y a le pro-sionisme aussi, parce que vous savez que vous avez eu les accords d'Avara. Mais en fait, déjà, on considère que quelque chose est un problème, il faut trouver une solution. Pas forcément une solution finale, mais ça a été une solution, et encore très temporaire, qui a été abandonnée par le régime. Donc quelque chose qui dure pendant un an et demi, est-ce que vous pouvez affubler le régime de collaborationnisme avec le judaïsme international d'un seul coup, juste pour ça? D'une part, et d'autre part, même les Royco, des fois, nous reprochent les accords avec les communistes, par exemple. Mais c'est un pacte de non-agression seulement. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont amis, c'est juste on fait en sorte de se poser, de ne pas s'agresser. Oui, c'est une stratégie militaire, c'est franchement brodé là-dessus, c'est vraiment de l'hypocrisie. Hein. Oui, non, mais c'est de l'hypocrisie, c'est de la lâcheté. C'est même pas de l'hypocrisie, c'est de la lâcheté pour se faire bien voir, en fait. Ces gens-là n'arrivent pas à appliquer, en fait, ce qu'on nous apprend lorsqu'on récite le chapelet, c'est le mépris du monde, le mépris du regard de l'autre. Les recours, avant d'être catholiques, sont bourgeois, donc les bourgeois, ils veulent la bienséance, voilà, pas faire de vagues. Donc le monde est contre le national-socialisme, ça fait du bien de se dire en société, dans les salons de thé, Hitler égale méchant, et bah du coup, ils vont s'associer à la meute de loups. Point final. Et la vérité ne les intéresse pas. Par contre, quand on parle avec les gens lambda, même dans certains pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est qui ont subi l'occupation allemande, bah, là, les gens commencent à dire, en fait, ouais, il y a quelqu'un qui a 70 ans, il avait raison. Donc, le racisme anti-slave était quand même très violent chez les Germains, alors qu'eux-mêmes ont assimilé un petit peu de part de sang. Et bon, après, c'était la mythologie nationale et raciale qui avait été construite, qui se base sur des faits tout à fait réels, hein, comme j'en parlais avec les Indo-Européens ou des choses comme ça, le roman racial allemand, disons. Mais c'est vrai que ça a été assez brutal, même s'il allait se corriger dans le temps, puisque bah, limite, les Slaves sont encore plus blonds que les Germains. Donc voilà, ça se serait un petit peu calmé. Et même, c'est vrai que Mussolini, dans son côté, dans les lois raciales, ça s'est fait un peu plus tardivement, même s'il parle de racisme méditerranéen ou des choses comme ça. C'est plus l'influence allemande qui a poussé à faire à traiter de thèmes, de thématiques un petit peu alentour. Le cardinal Vollebert, par exemple, pareil, qui a été un soutien du Troisième Reich au début, ensuite critique, etc., a fait une défense de l'Ancien Testament, parce qu'évidemment, dans l'hostilité au judaïsme, voilà, il fallait faire un petit peu la part des choses. Et aux éditions de Chiré, vous avez une petite plaquette, là encore très rapide à lire, qui est vraiment très bien traitée sur le point de vue catholique là-dedans, et tout à fait dans le respect, même si Chiré, je crois, a voulu mettre un petit titre un peu trop choatique, quoi, disons. Voilà, même là, dans son imagerie, Adolf Hitler visitait les reliques du Saint-Empire romain germanique. Donc on voit bien ce qu'il voulait réactiver là. Ça, on reste toujours dans le thème Charlemagne, antiquité gréco-latine, indo-européanité et tout ça. Hein. L'Empire européen, la civilisation européenne, tout simplement. Ouais, mon cher Rex, tu avais cité Von Papen concernant les principes de 1789. Je crois qu'il y a aussi Goebbels qui a dit un truc du style, une fois que les Allemands avaient gagné la campagne de France, il avait dit quelque chose du style... nous avons reçu deux exploits, nous avons complètement dépassé la ligne Maginot et nous avons complètement extirpé du cœur des hommes les principes de 89. Donc voilà, c'est assez beau quoi, hein, pour dire à quel point donc, autant les Allemands que les Italiens étaient hostiles à la Révolution, aux principes de 89, et étaient en réalité des contre-révolutionnaires. Après, je rebondis un petit peu aussi sur ce que tu as dit, Longinus. Tu as bien fait la distinction entre nazi et national-socialiste. Et en fait, c'est important de la faire, parce que le terme nazi, c'est un terme totalement péjoratif qui a été inventé par des juifs. Et en fait, nazi, en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prince, ça veut dire seigneur. Et en fait, c'est à l'époque de la montée du national-socialisme, du Führer, etc., avec ses acolytes, les juifs qui étaient au pouvoir, avec Hugues de Weimar, etc., ils n'arrêtaient pas de foutre de la gueule des national-socialistes en disant « Ah ouais, vous vous prenez pour les seigneurs, les nouveaux princes, en gros, vous voulez prendre notre place, quoi. » Et bah, du coup, c'est devenu nazi, parce que nazi, ça veut dire seigneur. Donc ça vient de là en fait. Et aussi juste pour rebondir un dernier truc sur Hilar, vu qu'on aborde encore le sujet, il y avait Deuzout à l'époque qui avait fait une vidéo de réponse aux attaques de Hilar, justement sur le fait que soi-disant c'était incompatible d'être catholique et national-socialiste. Peut-être qu'il faudra qu'on mette la vidéo dans la description. Ouais, on mettra le lien, ouais. Puisse l'écouter aussi. Mais voilà, Hilar s'appuyait principalement sur effectivement un libre propos sur la paix et la guerre de Bormann, qui est un faux, qui est pas fiable. Et malheureusement, cet ouvrage, Libre Propos, on le retrouve dans pas mal d'ouvrages qui traitent du sujet. Par exemple, là, j'en ai en tête, hein, c'est Pie XII et le Troisième Reich, donc d'un juif qui s'appelle Saul Friedländer, et qui en fait va aller fouiller dans les archives allemandes, italiennes. Donc, c'est principalement des échanges entre les principaux ambassadeurs et Vatican. Et même ce gars, en fait, il se base sur Libre Propos pour écrire son bouquin. Donc méfiez-vous, chers auditeurs, quand vous lisez des livres sur le sujet, allez bien voir les sources qui ont été exploitées pour écrire ces livres. Et s'il y a des libres propos, eh ben, tout de suite, vous pouvez vous dire, le gars, il n'est pas très sérieux, c'est pas très fiable. C'est pour ça que c'est toujours bien de revenir toujours à la base, donc en gros, les écrits des protagonistes ou les contemporains de ces époques-là, en fait. Tout à fait d'accord, on ne peut plus rien prendre pour argent comptant puisqu'on est vraiment dans la période du mensonge universel. À tous les niveaux, sur tous les points, c'en est vraiment fatigant. Pour toucher à un mot, un peu parler de la France, comme on a pas mal parlé de concepts par rapport à l'Italie, l'Allemagne et tout, on peut dire, parce que certains accusent par exemple aux fascistes français d'avoir repris des principes qui sont étrangers au pays, en fait, alors qu'au final, nombre de penseurs français ont contribué à ce que le fascisme réussisse dans les têtes, en Europe. Et c'est même beaucoup plus dans ce sens-là. Bah voilà, je disais, Mussolini était cultivé, il savait qui était Maurras, qui était Joseph de Metz, qui était Barrès, par exemple. Il lisait Georges Sorel, surtout, qui est un socialisme goy, un socialisme non-juif. Donc, en général, c'est un peu plus sérieux et proche de nous et audible, surtout dans les années 10-20, etc. Voilà, donc il faut quand même souligner ce fait-là, c'est que nombre de penseurs français ont contribué à ça, donc ça peut être... peut être Robert Brasillach aussi, par exemple. Et donc, la France a quand même sa part là-dedans, et même, d'une certaine façon, sans être du tout bonapartiste, on peut trouver dans le régime de Napoléon Ier un peu des principes assez proches de ce qui a pu avoir lieu sous Mussolini, avec le militarisme, par exemple, cette espèce de hiérarchie militaire, droit patriarcal, le lien entretenu entre ancien et nouveau monde, même si malheureusement avec Napoléon ça n'a pas été fait dans le très bon sens. Mais voilà, il avait un petit côté, bah, par exemple, c'est grâce à Napoléon qu'on connaît le génocide vendéen, en fait, dans la politique de réconciliation. Je ne sais pas s'il a été égal à celle-ci, mais voilà, on avait voulu en savoir plus et décrire réellement ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, ça donne quand même de bons petits films, oui. Ici ou là. Et je voulais revenir en fait sur une chose, j'arrive plus à retrouver la citation, mais je pense que vous connaissez le livre d'André Figueras, Scandale de la Résistance, parce que vous le connaissez. Oui, il a une très très bonne citation, parce que je pense en fait qu'il faut arrêter avec le gaullisme, et que c'est justement ce livre-là, notamment cette citation particulière que je cherche, qui flingue en fait, André Figueras qui cite un autre résistant, qui le dit lui-même, qui regrette d'avoir résisté à l'occupation allemande, quand il voit le résultat de ce qu'a fait De Gaulle en s'alliant avec les communistes, et on voit aujourd'hui le résultat que ça a donné sur la France. Je vais essayer de retrouver la citation. Elle est un peu longue, mais elle est extrêmement percutante. Mais écoute, mon cher Longinus, pendant que tu cherches cette citation longue et percutante, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Rex. En parlant des personnages proches de nous, on peut citer Adrien Arcand. Donc Adrien Arcand, c'est le chef et fondateur du Parti national-social chrétien au Canada. Et donc, en fait, c'est vraiment un fasciste 100% assumé et qui était 100% catholique. Là, pour le coup, il n'y a vraiment aucun souci de doctrine sur la foi ou les mœurs, comme on pouvait un petit peu avoir avec le Duce ou le Führer, qui, de temps en temps, s'écoutait peut-être un petit peu trop à la place d'écouter Vatican, etc. etc. Arcand, tu avais le thème sur l'origine judaïque de la Vierge Marie ou des choses comme ça, où son prêtre lui avait fait accepter plus vers la fin de sa vie. Il y avait un petit thème comme ça qui avait bloqué. Mais sinon, c'est vrai que c'est intact. Ouais, non, effectivement, de toute façon, nul n'est parfait, etc. Mais du coup, il y a un bouquin qui s'appelle Serviam, la pensée politique d'Adrien Arcand. Il y a l'abbé Rioux, d'ailleurs, que l'on salue encore à cette émission au passage, qui avait écrit une préface, il me semble, dans cet ouvrage, et que je vous recommande, quoi, parce que vraiment, Adrien Arcand, je pense que c'est celui qui, en théorie, je dis bien, est allé le plus loin sur le fascisme catholique. Alors malheureusement, il n'a pas pu mettre en pratique, parce qu'il a été, le Canada, étant allié avec les Américains, étant allié avec les Soviétiques, ont mis en camp de concentration, du coup, les fascistes canadiens, etc. Donc il n'a pas pu mettre en application comme on peut le faire le Führer et le Duce. Mais en théorie, en tout cas, c'était vraiment très bien, c'est des bons principes. Après, c'est sûr que tout n'était pas parfait, mais sur la doctrine, c'était vraiment excellent, quoi. Donc, je vous recommande vraiment cet ouvrage, la pensée politique d'Adrien Arcand, le bouquin Serviam. C'est vrai que c'est à lire, comme Merel, il l'apprécie beaucoup, et également José Antonio Primo de Rivera ou Ledesma Ramos, les deux phalangistes espagnols, ont des contributions qui sont assez proches d'Arcand, ça se ressemble beaucoup dans le texte, et bien vu pour avoir cité l'abbé du fascisme, donc des temps modernes, avec l'abbé Rioux qui bénira demain, dans le monde de demain, et rénover nos bottes, n'est-ce pas? J'ai trouvé la citation en question, si vous voulez que je lise. Attention, c'est un peu long. Hein. En tout cas... Puisque la résistance, dès les premiers jours de la libération, a cessé d'être un drapeau pour devenir l'enseigne d'une boutique louche, puisqu'elle n'a pas servi à la libération de la France, mais qu'en revanche, elle a permis son asservissement par une horde de falsificateurs et de truands, puisqu'elle a été l'alibi du pillage et de l'installation des cancres culottés dans les palais nationaux, puisqu'à cause de la résistance, une mafia qui en était point a pu mettre la France dans un tel état que cette France a perdu son empire et sa gloire, et que tout y est décadence et ploterie. Puisque les morts de la résistance n'ont pas servi à autre chose que de fournir leur cercueil comme piédestal à la statue grotesque du gaullisme aberrant, puisqu'on est allé en tout état de cause, en toute connaissance de cause, jusqu'à choisir un ancien agent nazi pour élever le mémorial de Colombey, légitime couronnement du reste d'une si tragique tartufferie, puisqu'un pacte démentiel assure au communisme la succession du gaullisme, puisque tout n'est plus en ce qui fut notre patrie que dérision et chute, abandon et gabegie, forfiture et escroquerie, et puisque la police ne sait plus maintenir l'ordre, puisque la justice ne connaît plus le droit, puisque l'armée a perdu l'esprit de victoire, etc. etc. Alors, je coupe un peu. Alors moi, qui, Philippe Vianney, l'atteste et sa signature est un des bien rares ayant encore de la valeur, donc ça c'est Figueras qui le cite, a été résistant, comme on dit, à partir de février 1941, ayant tout juste 17 ans, moi qui ai pris des risques, y compris celui d'entraîner dans ce combat des camarades qui sont morts, moi qui ai fait vivre 4 ans d'angoisse à ma mère, qu'il ne méritait pas, sachant ce que je sais, voyant ce que je vois, j'atteste le ciel de tout mon cœur que je regrette d'avoir été résistant, que j'en ai même dû repentir, et que si c'était à refaire, je ne ferais pas ce chemin. On peut toujours se dire aussi, bien sûr, nous sommes le produit de gens remarquables, j'ai moi-même beaucoup d'admiration pour Maurras, quand on est de notre génération, quand on voit l'état du monde aujourd'hui, n'est-ce pas ? Quand on voit qu'il n'y a plus rien à faire, que tout est pourri à un point qu'on n'imagine pas, et quand on se dit l'unique chance dont disposait la race blanche et l'Europe de ne pas crever complètement, c'était peut-être de favoriser la victoire par la croisade des fascismes, de ce qui restait du meilleur, non encore corrompu, l'ancien régime, on a quelques raisons d'être nostalgique, si j'ose dire, ou du moins de se poser des questions. Et on peut s'interroger sur le fait qu'il y a là un antagonisme... Enfin, d'où vient cet antagonisme ? Qu'est-ce qui l'inspire ? Parce que c'est vrai que c'était irréductible entre Maurras Ils ont favorisé le gaullisme, ils ont favorisé les anglo-saxons, ils ont favorisé l'Union soviétique, on a vu le résultat. Ils ont eu la peau du fascisme, ça c'est certain. Maintenant, ils sont contents. On peut mettre cette citation, je pense, sous la vidéo, parce qu'elle est extrêmement percutante, ce qui démontre très bien en fait que beaucoup de résistants, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont vu ça, justement, se sont retournés contre De Gaulle et ont abjuré De Gaulle et toute la résistance. Et d'ailleurs, ils se sont aperçus que De Gaulle, en fait, avait accepté dans les rangs des faux résistants et donné des certificats de résistance, ce qui a permis à ces faux résistants aussi de s'accaparer les biens d'autres personnes qui dénonçaient, comme soi-disant, étaient des collaborateurs. C'était de la mafia, oui, c'est clair. Ah non, mais elle est toujours au pouvoir, cette mafia, d'ailleurs, hein. Bah oui, c'est bien sûr, on est dans le monde post-gaullo-communiste, voilà. Donc le patriotisme, oui, mais pour faire quoi, donc quand c'est un De Gaulle qui te propose quelque chose, vous n'en venez pas. Je voulais juste terminer sur la petite contribution française au fascisme. Donc sur Napoléon, le dernier point, c'était il a prétendu fonder une quatrième dynastie, même s'il a échoué. Et bien sûr, là, la référence était faite aux trois dynasties précédentes, mérovingien, carolingien, capétien. Il y avait un article de Déodoul qu'on a cité sur Monseigneur ou Cardinal Baudrillard, selon la période, qui avait traité la politique de Vichy d'assez molle, d'ambigu, de nul, et qui préférait les fascismes alentour, par exemple. Sans, je veux dire, après, il faut quand même, comme l'a fait Longinus, plus défendre le pétainisme que le gaullisme, ça c'est sûr, mais le fascisme c'est encore autre chose, c'est encore un autre courant, si j'ose dire, et dans l'influence française en Europe, les nationaux-socialistes allemands lisaient Gobineau et Vacher de la Pouche, par exemple, là il y avait encore d'autres influences en ce sens. En France, nous on avait Valois aussi, qui était un transfuge de l'Action française, ou des choses comme ça, Darnan aussi, qui peut être intéressant comme personnage à étudier, et voilà, ouais. Donc je reverrai à tout ça, et même Édouard Drumont qui disait que le national ne va pas sans social, et inversement, donc même les termes de finalement national-socialisme à la française existent tout à fait, donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de notre francité si on soutient le courant fasciste, quoi. Voilà, pour répondre à une interrogation qui pourrait tomber. Gobineau, c'est pas celui qui a écrit justement sur la hiérarchisation des races ? Oui, exactement. Oui. Il me semble, un petit, pour nos auditeurs, pour détendre un peu l'atmosphère, pour rigoler un coup, c'est apparemment, il y a quelqu'un, alors je sais plus dans quelle ville de France, qui n'arrête pas de taguer, une ville grand remplacée, bien sûr, qui n'arrête pas de taguer Gobineau par terre ou sur le mobilier urbain. Ils n'ont jamais réussi à trouver qui s'amusait à faire ça. Ouais, c'est la référence parce qu'il avait des principes politiques racialistes et nostalgiques, donc plus pour la restauration de l'ancien ordre. En soi, il était assez contre-révolutionnaire, oui, Gobineau. Un homme de bien. Très bien, messieurs. Bah, écoutez, après cette longue émission qui, je crois, fera couler beaucoup d'encre, je tiens à remercier les trois participants pour avoir donné finalement beaucoup de matière à cette réflexion extrêmement importante. J'en profite pour faire un petit rappel, c'est que si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas. Nous prenons les questions qui sont posées sur Odyssée et sur Gab. J'allais rajouter uniquement, mais j'ai oublié de dire que le canal non officiel, qui est présent sur Telegram, nous transmet aussi des questions désormais. Donc faites-vous plaisir. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur ce sujet-là, mais bon, on va faire l'émission, on va dire dans un délai, on va dire dans une durée raisonnable. Peut-être qu'on pourrait revenir à nouveau sur ce sujet précis une deuxième fois si vous avez des questions à nous poser. Oui, parce que tous les chemins mènent à Berlin et que nous sommes pour un quatrième Reich catholique romain, donc forcément ça va ressortir. Voilà, ça ressortira. On fera peut-être pas 50 émissions sur le même sujet non plus, mais on peut très bien envisager une... On en fera 88, c'est pas grave. On peut très bien envisager une deuxième émission, peut-être pas trop, peut-être pas abusé, mais voilà, plus tard. Merci Dédé, merci Longinus, merci Rex, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, le message principal à retenir, je profite pour faire un petit peu de pub, c'est qu'il faut nous absolument nous partager partout. Vous savez que je suis un peu lourd à chaque fois en fin d'émission, mais on compte énormément sur vous pour partager l'émission, puisqu'en fait, nous, on s'occupe juste de la mettre en ligne un peu à droite à gauche, mais c'est surtout vous qui faites en sorte que l'émission marche. Et on vous remercie infiniment et on compte encore énormément sur vous pour cette émission du mois de juin. Merci à tous et puis on se retrouve pour l'été 2023. There's a place where lovers go to cry their troubles away. And they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget.